Bonjour tout le monde. À ceux que j'ai pas dit bonjour. Les autres, ben. Deux fois bonjour. Là, vous me donnez la parole à 5 minutes d'avance. Ça fait que j'ai 5 minutes de plus. Y a-t-il quelqu'un qui peut me prêter un crayon? Un stylo? Omar, veux-tu prier pour le temps qu'on va passer dans la parole de Dieu? Amen. Tu peux afficher la première acétate? Okay. En introduction, je vais vous raconter, c'est-à-dire je rapporte deux extraits de la parole de Dieu qui traite de notre sujet un petit peu ce matin, qui nous introduit dans notre sujet. Le premier est dans la rencontre, on a vu ça dans l'église d'Otterburn cette semaine. Puis on en a discuté, puis j'ai trouvé que c'était un passage qui s'appliquait au sujet qu'on va traiter ce matin. C'est dans Luc 10, 25 à 29. Vous l'avez là. Je l'ai là-dedans, mais je ne chercherai pas là-dedans, dans la parole de Dieu. Je vais juste le lire sur mes feuilles. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, tralala, il tomba au milieu des brigands. » C'est l'histoire ou la parabole du bon samaritain, comme on le dit, mais c'est du samaritain, tout simplement, qui a exercé la miséricorde envers un juif tombé au milieu des brigands. Je ne veux pas traiter du tout de la parabole, mais l'histoire ici nous introduit avec un docteur de la loi qui est quelqu'un qui était versé dans les Écritures, particulièrement sur la loi. La loi ici ne veut pas nécessairement dire juste les 10 commandements, mais l'ensemble des livres de Moïse. Et c'est intéressant qu'il répond correctement. Jésus lui dit « Parfait, tu as bien répondu », mais qu'il n'est pas capable d'en rester là. Lui voulant se justifier. Oui, il est arrivé avec une mauvaise attitude devant Jésus, mais ça n'a pas bloqué Jésus de l'encourager à faire cela, parce que la question c'était, que dois-je faire, hein, pour hériter la vie éternelle? Il dit, OK, pratique la loi, et tu vivras. Et sa question ici dénote qu'il n'est pas justifié par la loi. L'autre histoire est dans les deux hommes qui montent au temple pour prier. On ne sait pas si c'est une histoire vraie, mais c'est Jésus qui raconte ça. Il dit, deux hommes montèrent au temple pour prier. Luc 18, 10 à 14. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout, priant lui-même, ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injuste, adultère, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, évidemment, ils sont au temple, hein, ils ne sont pas dans le lieu central du lieu très saint, là, mais ils sont dans l'esplanade. C'est un lieu de prière, hein, c'est qu'il allait là pour ça. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, écrasé probablement par la culpabilité, mais il se frappait la poitrine. Hein, c'est le meilleur coup de poing qu'on a retenu, ceux qui ont été des catholiques dans leur jeunesse. Il n'en reste pas beaucoup ici, là. Le publicain, se tenant distant, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé vers moi, qui suis un pécheur. » Et Jésus ajoute ce commentaire « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. » Ce qui est intéressant ici, c'est la justification. « Car quiconque s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. » Dans le texte qu'on va lire ce matin, Dieu montre à l'homme qu'il y a une seule justification qui lui permet d'accéder à la gloire de Dieu pour l'éternité. Je le répète, dans le texte qu'on va lire, il y a une seule justification qui permet d'accéder à la gloire de Dieu pour l'éternité. On va tourner dans Romains. Qui est la slide 4. Romains 3, un passage que vous n'avez jamais lu, vous passez toujours par-dessus. Je suis sûr de ça. C'est un passage que Jean-Claude a lu la semaine passée, dans le cadre de la foi qui demande de croire en Dieu. Ici, on va regarder l'aspect de la justification. Vous avez compris que c'est de ça qu'on allait parler ce matin. Au verset 19, Romains 3, 19, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il y a plusieurs doctrines qui concernent l'évangélisation ici, ou l'évangile. Mais on va s'occuper seulement de la justification ce matin. Mais nommez-moi les doctrines, les spécialistes, les docteurs de la loi qui sont ici, là, les docteurs de l'évangile, il y en a ici parmi nous. Vous savez, docteur, ça ne veut pas dire médecin ici, là, hein? Ça veut dire les connaisseurs. C'est comme les PhD aujourd'hui, là. Ouais, dans le texte, on vient de lire, il y a plusieurs doctrines qui concernent l'évangélisation. Allez, n'ayez pas peur. Bien, la justification, c'en est une, non? Mais c'est pas mentionné, là. Regardez les mots. Péché. Péché, oui. La doctrine du péché est traitée là-dedans. La foi. La grâce. La rédemption, ça veut dire quoi le mot rédemption? C'est un mot compliqué, ça. Rachat. Quelqu'un a payé le prix à la place de l'homme. Non, vous êtes bon. Ensemble, vous arrivez à faire de quoi? Mais ça ne sera pas notre sujet. Notre sujet, ça va être la justification. Vous le voyez dans le texte qu'on vient de lire, vous avez toujours le texte à l'écran. La justification par les œuvres de la loi, c'est déconseillé par Dieu. C'est la parole de Dieu, hein, qui dit ça. L'apôtre Paul, c'est un instrument que Dieu s'est choisi pour l'écrire. Souvent, il y a des gens qui disent c'est la doctrine paulinienne. Ça me fait sauter au plafond. C'est la doctrine de Dieu ici. Là. Et Dieu déconseille fortement, pas fortement, des conseils à l'homme, tout simplement, de se justifier par les œuvres de la loi. Êtes-vous d'accord? Qu'est-ce qu'on peut lire à travers ça? On peut voir, dans un premier temps, qu'il y a des personnes qui sont sous la loi et que d'autres ne le sont pas. Dans le premier verset, 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle est dit à ceux qui sont sous la loi. Sous-entendu, il y en a qui ne sont pas sous la loi. Intéressant, hein? Deuxième point, avec la justification par les œuvres de la loi. Les bouches des personnes qui sont sous la loi vont être fermées, incapables de se défendre avec la loi. Troisième point, on le voit un petit peu plus loin. Où c'est inclus, les personnes qui sont sous la loi seront reconnues coupables. Donc, la loi n'apporte pas, un autre mot que la justice, n'apporte pas la non-culpabilité par rapport à Dieu. Évidemment, personne ne peut être justifié par les œuvres de la loi, ça c'est dans le texte, c'est dit, à deux reprises. Le ministère de la loi, on le voit au verset 20, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Le ministère de la loi, c'est de faire connaître à l'homme qu'il est pécheur, qu'il ne répond pas aux critères de Dieu. La loi n'a jamais eu d'autre but que de celui-là. Évidemment, on le voit un petit peu plus loin, verset 23, « Car tous ont péché, donc tous ceux qui sont sous les œuvres de la loi ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, les pécheurs ou les gens qui sont sous la loi, par déduction, sont privés de la gloire de Dieu pour l'éternité. Est-ce que je dis des choses qui ne sont pas dans le texte? Et ce n'est pas la seule place où c'est dit, c'est juste qu'ici le point est expliqué encore plus, mais on va aller voir un autre passage qui est dans Galates. Fait qu'en résumé, l'observation de la loi ne peut pas justifier l'homme ou les personnes devant Dieu, ne peut pas justifier les personnes qui soumettent à la loi devant Dieu. Le ministère de la loi, c'est de faire connaître à l'homme qu'il est coupable devant Dieu et qu'il ne peut pas s'en sortir. Il y a un passage, je ne l'ai pas noté là, malheureusement, mais un passage qui dit que la loi a été donnée comme un pédagogue pour conduire à Christ. Pédagogue, ça veut dire un serviteur à l'époque ou un esclave qui conduisait des jeunes enfants vers un maître qui enseignait. Ça a été déformé. Aujourd'hui, un pédagogue, c'est un enseignant. OK? Mais à l'époque, c'était quelqu'un qui conduisait des enfants. Les enfants avaient besoin d'être conduits à travers la ville de Rome ou d'une autre ville pour aller rejoindre l'enseignant qui s'en occupait. Il les instruisait dans les connaissances du temps. Ça va? Et la loi était, quand Dieu utilise ce mot-là dans l'Épître, je pense au... Hein? Galates. Merci. Merci, mes frères. Bien, c'est ce qui est en train d'expliquer que la loi était comme un pédagogue pour conduire des enfants ou des personnes, des adultes dans ce cas-ci, à Jésus-Christ. Galates 3, 16 et 12, je pense que je l'ai mis dans les acétates. Acétate numéro 5, est-ce que tu l'avais mis? Oui. C'est ce que je viens de vous dire en résumé, là. Galates 3, c'est-à-dire 12 et 13. J'avais une mauvaise référence ici. 3, 12 à 13. Or, la loi ne procède pas de la foi, ne vient pas de la foi, ou ne suit pas la manière de faire de la foi, mais elle dit. La loi, ça, elle dit. Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Rappelez-vous la réponse que Jésus fait au docteur de la loi dans l'exemple au début. Fais cela et tu vivras. Le problème du docteur de la loi, c'est qu'il ne veut pas reconnaître qu'il n'est pas capable de le faire. C'est pour ça qu'il cherche à le justifier. Donc, je répète. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. » Verset 13, évidemment, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu. » Maudit est quiconque est pendu au bois. » Deux fois « est » dans la même phrase, c'est meilleur. La malédiction de la loi pour l'homme. Pourtant, la parole de Dieu nous dit que la loi est bonne. Elle a été donnée. C'est pas que Dieu a donné des mauvais commandements. Mais à cause du cœur de l'homme sans Dieu, il est impossible pour l'homme d'accomplir la loi et d'être justifié par elle. Donc, la loi devient une sorte de malédiction pour tout homme qui essaie de se justifier par la loi. Les femmes sont incluses dans les hommes, hein, vous savez? On aime les séparer aujourd'hui, là, mais quand on dit homme, quand je dis homme, je veux dire homme et femme. Et enfant, qui n'écoute pas. J'ai des questions pour vous autres après, là. Restez réveillés. On va faire une discussion, une petite discussion. Comment reconnaître que vous comptez sur les œuvres de la loi pour être justifié devant Dieu? Il y en a ici qui ne sont plus sous la loi. Il y en a d'autres qui le sont encore et je les ignore. Pas dans le sens que je veux les ignorer, mais dans le sens que je ne les connais pas. Quand tu es sous la loi, tu as un comportement de personne qui est sous la loi. Et là, les croyants, vous allez devoir faire appel à vos souvenirs quand vous étiez sous la loi. Quand c'est la loi qui drivait votre vie. Quel est un comportement typique de quelqu'un qui se tient sous la loi? Oui, mais la personne qui est sous la loi, pécheur, a un comportement typique. Et je veux juste faire en sorte qu'on puisse permettre à quelqu'un qui est sous la loi de se reconnaître. Par exemple, vous le voyez dans le docteur de la loi, quand il est confronté à Jésus, un homme juste Jésus, il n'y a pas personne plus juste que lui, et que Jésus lui dit « Fais cela et tu vivras », il cherche à se justifier. Je ne sais pas si vous avez déjà participé à des discussions de gars, là. Quand une gang de gars sont ensemble, ils sont tout le temps en train de se justifier les uns par rapport aux autres. Pourquoi c'est important d'être paraître mieux que les autres? Ça, c'est un comportement de quelqu'un qui est sous la loi. Dis pas que les croyants ne font jamais ça. Malheureusement, on le fait, mais on n'a pas à le faire. En étant justifié par Jésus-Christ, on n'a plus besoin de prouver qu'on est meilleur que les autres. Notre comportement, vous n'avez pas de suggestion à me faire, je vais vous en donner. Refuser de voir que la loi m'accuse. Ça, c'est un autre comportement typique de quelqu'un qui est sous la loi. On va prendre un exemple simple que tout le monde à peu près ici, tous les hommes qui ont des voitures ont vécu. Quand un policier vient vous arrêter, qu'est-ce que vous faites? Comment réfléchissez-vous? Et même comme croyant, on a de la misère. Vous dites, « Oh, merci, monsieur le policier, ça fait longtemps que j'attendais ça. J'avais besoin d'être corrigé. » Il y a quoi qui m'accuse, là? J'ai rien fait de mal. Oh, le stop un petit peu brûlé, là, mais il n'y a pas personne. Il y avait un policier, mais il n'y a pas personne. Là, je roulais juste à 105, là. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Dans une zone de, on va dire, de 90, là. C'est quoi notre réflexe naturel? on ne veut pas être accusé par la loi. Vous voulez voir un bon exemple de ça? S'il y en a qui ont été en cours ici, là, dans une situation, peu importe le sujet, ne serait-ce que vous défendre contre un vice caché dans votre maison que vous avez vendu ou des choses comme ça. Vous vous sentez drôlement coupable. Alors là, il y a la loi des hommes là, qui s'ajoute là, puis vient vous accuser. Puis si jamais vous êtes déclaré coupable, vous êtes fait à l'os. Là. Vous êtes un... Vous allez devenir un paria social. C'est ça le mot, Samuel? Un paria tout court? OK. Vous allez devenir un bandit. Vous avez désobéi une loi. Il y en a-tu des lois qui nous pèsent au-dessus de la tête? Maintenant, ici, on va se limiter à la loi de Dieu, qui, selon moi, est incluse dans presque toutes les lois humaines. Comment vous, on va, quelqu'un qui est sous la loi, comment vous allez faire pour vous justifier devant Dieu? Lui, là, il va avoir le film de votre vie au complet. Vous ne pourrez pas échapper du tout, vous cacher, faire en sorte que vous n'écoutez pas quand on va vous parler. Il n'y a rien à faire. L'autre comportement typique de quelqu'un qui est sous la loi, c'est de se comparer aux autres. Ah ben moi, là, je ne suis pas comme Hitler, hein? Je ne suis pas comme Mussolini, je ne suis pas comme Staline. Je ne veux pas tuer personne. Lui, il va aller en enfer, pas moi. Tu fais pas ça, toi, côté, hein? En Côte d'Ivoire, vous ne faites pas ça, hein? Vous savez. Et on ne parlera pas du Cameroun, ça n'existe pas non plus là-bas. On se compare aux autres, tout le temps en train de se comparer aux autres. Pourquoi? Parce que c'est important de mieux paraître que les autres, parce que c'est comme si... Rappelez-vous encore là, le publicain et le pharisien qui étaient au temple. Là, le pharisien se comparait à l'autre plutôt que de se tenir devant Dieu en disant « Garde, moi aussi, là, je suis coupable. » C'est l'attitude typique de personnes qui sont sous la loi et qui ne sont pas sous la foi en Jésus-Christ, là, la justification par la foi. Ils sont dans une situation où ils essaient constamment. Toute leur vie est marquée par essayer de se justifier, d'une manière ou d'une autre. Et c'est une malédiction, ça va mal se terminer. C'est ce que la parole de Dieu dit. Malédiction de la loi, parce que la loi nous amène à un jugement devant Dieu sur la base des œuvres accomplies par rapport à la loi et on va être trouvé coupable parce que c'est impossible d'accomplir la loi pour une personne irrégénérée sans Dieu. Donc, selon Romains 3, 19 qu'on a lu, amène la 7 à 4, peut-être. Et t'as quelque part là-dedans. Attends. Au verset 1, « Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » C'est clair que ceux qui sont sous la loi s'en vont vers un verdict de culpabilité. Tu vas être déclaré coupable. Évidemment, il y a un jugement associé à ça, mais il va y avoir une déclaration de culpabilité. On va le voir tout à l'heure dans un des versets que je vais vous emmener à la fin. OK. On a dit qu'il y avait deux justifications dans le passage qu'on a lu. L'autre justification, vous l'avez vu, c'est la justification par... Regarde le verset 19, les versets dans Romains. Oui, Valérie, t'as dit quelque chose? Non, c'est la justification par la foi en Jésus-Christ. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, verset 22. Justice, en sous-entendu, justification par la foi en Jésus-Christ. Je vous donne pas le temps de beaucoup de réfléchir, là. C'est normal que vous ne répondiez pas tout le temps, pile dedans. Que dit Romains 3, 19 encore là? On vient au verset de Romains 3. La justification ou la justice vient de Dieu sans l'application de la loi à la personne jugée. car nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres, c'est par la loi que vient la connaissance. Maintenant, sans la loi, le verset qui vient après, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Sans la loi, sous-entendu, sans appliquer la loi à la personne à justifier, sans la loi, et manifester la justice de Dieu, évidemment, si vous lisez tout Romains, vous allez apercevoir que la justice de Dieu, c'est à travers Jésus-Christ. Mais ici, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu envers une personne. Donc, c'est la justification qui vient de Dieu. Contrairement à la justification par la loi qui est carrément basée sur les œuvres de la personne, la justification ou la justice de Dieu, c'est un don de Dieu. On le sait que c'est un don de Dieu à travers Jésus-Christ. On voit aussi que la justification, dans le verset qui... Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. C'est une justification qui a été annoncée longtemps d'avance. On dit même que dans l'histoire d'Adam et Ève, après la chute, quand Dieu leur fait des vêtements de peau, est annoncé déjà le sacrifice de Jésus. Parce que c'est là qu'a commencé le sacrifice des animaux, temporairement accepté pour le problème du péché de l'homme, mais qui ne pouvait pas enlever le péché. Mais il y a eu plein d'autres passages, je n'ai pas le temps de les faire avec vous ce matin, où la loi et les prophètes, ici, c'est une manière de dire l'Ancien Testament, annonçait la justice de Dieu. Et quand vous lisez, entre autres, Ésaïe 53, là, je ne le lirai pas avec vous, ben, ça en parle de ça. Et toujours dans notre passage de Romains 3, 19, verset 22, « Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. » Donc, la justification qui vient de Dieu s'acquiert par la foi. La personne qui veut être justifiée par Dieu doit, on l'a vu la semaine passée avec l'enseignement de Jean-Claude, la foi, c'est extrêmement incontournable. Elle ne peut s'acquérir que par la personne qui met sa confiance complète. Ici, la personne est désignée, c'est Jésus-Christ. On continue les doctrines concernant la justification. Le verset 22 dit aussi, « Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. » Donc, Dieu ne fait aucune distinction d'origine, que tu sois juif, païen, allemand, nazi, communiste, ivoirien. Les Camerounais même, on va les accepter. Ouais. Peut-être les femmes, là, je ne sais pas, mais... Aucune distinction. Aucune distinction. Vous pouvez être le pire des pécheurs sur la terre si vous mettez votre confiance en Jésus-Christ par la foi, de la manière qu'on va le voir tout à l'heure. Là. Ben, Dieu vous accorde la justice parce qu'il ne fait aucune distinction. Parce que la pratique de la loi met en évidence que tout le monde est pécheur et il n'y a pas de gradation à travers les pécheurs, c'est tous des pécheurs. OK, la justification de Dieu est gratuite, hein, vous l'avez vu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, le verset 24. Donc, elle ne peut pas s'acheter, cette justification-là. Vous ne pouvez pas mettre dans la balance, moi, là, je l'ai mérité. Non, absolument pas. Vous ne pouvez pas mettre de l'argent pour l'avoir, ça c'est sûr. Donc, Dieu ne se laisse pas avoir par aucun don pour obtenir la justice. Et la justification de Dieu, ça, on n'aura pas le temps de le développer, mais c'est déclaré aussi, par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, le rachat. Jésus-Christ, en mourant sur la croix, a racheté l'homme des mains de celui qui nous avait usurpé à Dieu, c'est-à-dire le diable. Donc, il y a un rachat qui a été fait. Et Cette rédemption-là, bien, nous assure la validité de la justification. Il y a d'autres choses qu'on pourrait tirer, là, mais je veux dire, c'est les principaux points concernant la justification que Dieu offre par la foi en Jésus-Christ. Comment savoir maintenant, on a fait tout à l'heure le cas de la personne qui s'appuie sur ses œuvres pour se justifier devant Dieu. Maintenant, on va faire le cas de la personne qui s'appuie sur la foi en Jésus-Christ pour être sauvé. Hein? Comment savoir si vous êtes dans ce cas-là? Parce que tout est relié au mot « foi ». Et le mot « foi », pour bien des gens, c'est des connaissances, c'est du savoir, c'est la crédulité, ça peut être n'importe quoi. On va essayer de se poser des questions par rapport à ça. Comment savoir si vous êtes dans cette situation d'être justifié par la foi en Jésus-Christ? C'est-tu important comme question? Même pour nous, les croyants, là, de longue date, c'est important de s'arrêter et dire, comment ça se fait que je m'appuie sur la foi en Jésus-Christ pour être justifié? Que représente la parole de Dieu pour vous? La Bible. OK? Aujourd'hui, malheureusement, c'est souvent dans un téléphone cellulaire ou dans une tablette, comme certains, comme Ivan, non? Je dis malheureusement, mais dans notre temps, c'était des livres. Et si vous allez dans certaines congrégations, surtout les Juifs, ils vont embrasser le livre. Hein? Nous, on ne fait pas ça parce que ce n'est pas le livre qui est sacré. C'est ce qui est dedans, la parole. Et on l'a en français, dans notre langue à nous. Que représente la parole de Dieu, la Bible, pour vous? Non, mais mets-toi dans l'interrogation. Oui, ça représente la vérité, c'est bien. Est-ce que c'est des légendes? Mais il y en a qui voient ça comme des belles histoires à raconter aux enfants avant de dormir. Là. Ou alors, il y en a peut-être comme Samuel qui trouve que c'est une source de données historiques. Hein? La vie éternelle. Oui, mais qu'est-ce que la vie éternelle, là, t'en as connaissance parce que la parole de Dieu en parle. Si tu crois que c'est un livre d'histoire inventé par les hommes qui ont écrit ça, je regrette, mais tu ne crois pas plus à la vie éternelle qu'à Jésus-Christ, qu'à toutes sortes de choses. Il y en a, moi, il y avait une expression quand j'étais jeune croyant, que souvent j'entendais dans les prédications, c'est, je ne sais pas si je l'ai entendu là, mais je l'ai entendu dans le passé. Est-ce que la Bible contient la parole de Dieu? Ou il faut discerner qu'il y a les endroits où c'est la parole de Dieu ou où c'est la parole des hommes? Voyez-vous, là, l'attitude est complètement différente dans un cas comme dans l'autre. Écoutez, quand je suis devenu croyant, j'étais à l'université, en maîtrise, en génie. Un domaine très opposé aux fables de la Bible, parce que c'est comme ça qu'on en parlait. L'université, c'est comme ça qu'on parle de la parole de Dieu. C'est des fables, c'est des histoires humaines, c'est des histoires inventées, c'est des histoires trafiquées par les hommes qui ont écrit ça. On ne tient pas compte du tout de l'origine de la parole de Dieu, là, pour dire des choses comme ça. Et il a fallu que je dise à Dieu, d'une manière ou d'une autre, garde Seigneur, je suis pas capable de. Je suis élevé dans un système qui est complètement opposé à ce que tu dis dans la parole, dans bien des endroits, je veux dire. Mais par la foi, je vais accepter que c'est vrai, jusqu'à ce que tu me montres que c'est vrai. Il est obligé de faire cet acte de foi-là. Parce que c'est la même parole qui me parle de Jésus-Christ, qui me parle de son sacrifice, qui me parle du rachat, qui me parle du passage qu'on vient de lire ce matin, c'est la même parole. Dites-moi quelle qui est différente, quelle qui est vraie, quelle qui n'est pas la parole de Dieu. Si je suis le seul juge de ça, ou que d'autres hommes à ma place sont juges de ça. J'ai pas été obligé, je l'ai fait de mon plein gré, j'ai dit « Seigneur, J'accepte ta parole, et particulièrement le livre de la Genèse, qui me fatiguait. Et je le prends par la foi, comme le reste de ta parole. En même temps que je demandais à Seigneur Jésus de me sauver. Fait que c'est-tu important la relation avec la parole de Dieu pour savoir si vous êtes justifié par la foi ou c'est juste les connaissances que vous avez sur Jésus-Christ? Si vous n'avez pas cette relation-là avec la parole de Dieu, je vous exhorte fortement à vous y soumettre de la même manière, peut-être pas de la même manière que j'ai fait, c'est chacun sa manière, mais de réfléchir que Jésus-Christ ne se prend pas sans le reste des Écritures. Et quand je dis le reste des Écritures, c'est tous les mots qui sont là-dedans. Bon, la version seconde est meilleure que les autres. Vous le savez, moi, c'est ma version préférée. Bon, c'est pas ça que je parle là, ce matin. Vous comprenez? Je taquine beaucoup les frères en leur disant qu'ils lisent dans les mauvaises versions. Hein? L'autre chose que vous pouvez vous poser comme question pour savoir si vous êtes vraiment dans une situation où vous êtes justifié par la foi, est-ce que vous avez déjà, j'en fais pas une règle absolue, mais est-ce que vous avez déjà demandé à Jésus de vous sauver de vos péchés? Moi, quand je me suis converti, j'ai dû dire au Seigneur, je n'en vois pas de péché dans ma vie. Mais je vais faire confiance que je suis un pécheur parce que tu le déclares dans ta parole. Voyez-vous, la soumission à la parole a précédé ma soumission à Christ. Hein? Oui, c'est ça. Non, je t'ai marié. Oui, mais ça, c'était humiliant. Hein? Bon, l'autre manière de... Si vous voyez le salut comme étant bon pour les faibles, les gens qui... Bon, c'est bon pour lui, là, c'est bon pour Marcel, parce qu'il est un peu gaga. Il a besoin de tout ça dans sa vie, lui, là, pour se tenir debout. Rappelez-vous l'exemple du pharisien dans le temple qu'on a lu au début. Il jugeait le publicain en disant hey, « Je ne suis pas comme ce publicain. Moi, je fais ci, je fais ça, je fais ci pour toi. » Est-ce que votre orgueil, dans le fond, c'est, vous voyez que tout ça, c'est relié à l'orgueil humain, est-ce que votre orgueil fait obstacle à vous confier en Jésus-Christ? Et l'orgueil, ce n'est pas facile à mesurer, mais ça se mesure de la manière dont je viens vous le dire. L'autre, je dirais le dernier point que vous pouvez mettre dans la balance, dans l'évaluation. En passant là, je ne sais pas si je l'avais mis là-dessus. Je n'ai pas trop suivi mes acétates, c'est ça mon problème. Parce que je ne me suis pas mettre des notes dans le texte pour dire, va voir tel acétate. Hein? OK, ça, on l'a vu déjà. OK, je ne reviendrai pas là-dessus. Le dernier point que vous pouvez vous poser comme question, il y en a peut-être d'autres, là. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait le tour de toutes les situations qui montrent que... pour vous examiner si vous êtes vraiment justifié par la foi en Jésus-Christ. Mais un dernier point, c'est de, avez-vous peur de vous associer à ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ? Je ne peux pas m'associer à cette gang-là, quand même. Une gang de... Peu importe comment vous les... quel qualificatif vous allez donner. La justification par la foi en Jésus-Christ amène la personne qui est justifiée à s'associer aux autres croyants. Je ne sais pas si c'est de la maturité. Je ne sais peut-être pas le terme que j'utiliserais, Rémi. C'est une preuve que tu es vraiment prêt. Parce que le Seigneur, lui, n'a pas peur de s'associer à chacun d'entre nous. Et si moi, je suis prêt à tout accepter, là, les autres points avant, mais je ne suis pas pour vivre avec les croyants, les chrétiens. Ceux qui rendent un culte à Christ comme ça, puis la première chose que vous allez devoir confronter si vous, vous voulez croire en Jésus, c'est d'abord le baptême. Le baptême, c'est quoi? C'est votre entrée publique dans l'Église. Vous n'êtes pas prêt à payer ce prix-là, regarde, vous n'êtes pas dans la foi. Posez-vous la question. Est-ce que c'est important de réfléchir comme il faut? Parce qu'il y a deux justifications. L'une par les œuvres de la loi, elle, je vais vous passer un dernier passage là, sur les conséquences d'être justifié par les œuvres de la loi. Ou vous êtes justifié par la foi en Jésus-Christ, et là, vous avez la vie éternelle. Même après votre mort, vous allez vivre éternellement, vous allez être, comme dit le Romain, vous allez être dans la gloire de Dieu. Et ça, ça s'appelle la vie éternelle pour l'éternité. Donc, en résumé, il y a deux justifications, mais il y en a une seule qui permet de passer l'éternité avec Dieu. L'autre, justification, elle envoie à la condamnation éternelle. Mais l'acétate numéro 7. Apocalypse 20, 12 et 14. C'est aussi un passage de la parole de Dieu. En passant, on pense que c'est juste l'Apocalypse qui parle des choses à venir, mais Jésus est celui qui a parlé le plus de la condamnation éternelle, hein, de la GN, de ce qu'attend l'homme qui va justement s'appuyer sur ses œuvres pour se justifier devant Dieu. Jésus est, dans toutes les Écritures, celui qui en parle le plus. Fait que quand on fait de Jésus le prophète de l'amour ou quelqu'un qui a prêché juste sur l'amour, l'amour se comprend de la manière de Dieu, c'est-à-dire Dieu aime les hommes qui, par la foi, mettent leur confiance en Jésus-Christ. Ici, là, c'est un passage que pas des croyants connaissent, mais on va le lire tranquillement. Au verset 12, « Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. » Ça ne vous rappelle pas les œuvres de la loi? Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Le livre de vie, on le sait, passe par ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ étant l'arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden, d'une certaine manière. Et tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ mangent du fruit de l'arbre de la vie éternelle, qui donne la vie éternelle, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc, deux justifications, une seule est agréée par Dieu. La justification par les œuvres conduit à un gouffre éternel. La justification par la foi en Christ conduit à la vie éternelle. Maintenant. Pas futur, mais maintenant. Je vais inviter... on va faire un chant. Moi, traditionnellement, quand j'étais jeune croyant, dans l'église où j'étais, on faisait un chant où on avait des chants d'appel. Fait que je vais faire un peu à la manière traditionnelle un appel. Les frères vont entonner le chant tel que je suis sans rien à moi. Et peu importe qui a écouté ce matin, mais qui est touché par le fait de mettre sa foi en Jésus-Christ, je vous invite, pendant le chant, là, à le signifier en levant la main. Moi, je me suis avancé dans une situation comme ça. J'étais à l'université, puis il y avait eu un appel comme ça. Je me suis avancé. Dans le temps, c'était pire que ça, il fallait s'avancer. Et je n'ai jamais regretté. Mais il faut mettre notre orgueil de côté, puis le dire que on veut changer de régime de justification. Vous avez compris ce que je veux dire par le régime de justification? Ça fait qu'on va écouter les frères qui chantent le chant. Puis si vous êtes vraiment intéressé à changer de régime, levez votre main, puis quelqu'un ira vous voir après, que ce soit un ancien, soit n'importe quel frère ou sœur, qui vont vous aider à faire la transition vers la foi en Jésus-Christ, la justification par la foi en Jésus-Christ. On vous écoute, les frères.